Eh, nous y sommes. Un peu plus de volume, peut-être. Tu peux annoncer qu'ils ont déjà fermé la porte. Magali, tu parles. 1, 2, check, 3, 4, 5. Alors, on est devant le PS aujourd'hui parce qu'on sait tous que c'est en partie le PS qui faisait partie de l'ancien gouvernement qui a mis en place cette réforme qui fait que tout, des milliers de chômeurs aujourd'hui sont exclus des allocations de chômage sur base des allocations d'insertion. Et vous êtes sûrement beaucoup à avoir entendu le Premier ministre s'exprimer en disant qu'il regrettait d'avoir voté cette mesure, que son cœur saignait. Et... Voilà, donc on vient ici aujourd'hui pour que ces paroles ne restent pas vaines et que le PS mette en place des motions pour demander l'abrogation de cet article. Alors Étienne va lire une lettre, la lettre qu'on lui demande de signer aujourd'hui.